Lorsque le marquage au sol est constitué d'une ligne discontinue de dissuasion, seul le dépassement des véhicules très lents, les tracteurs par exemple, ou d'autres roulant à allure très lente est autorisé, et à condition de disposer d'une bonne visibilité et de l'espace nécessaire au rabattement. Ici, ce n'est pas le cas. Ce véhicule roule normalement, c'est-à-dire entre 80 et 90 km/h. Je ne peux pas le dépasser. Réponse B.